petit frère à Rome. Avec un mec. Sur les roses. Oui, mais la pauvre est malheureuse. Se contenter de son pain que neuse. Quand sa mère, c'était une pourrie. Elle disait qu'il est fort mardi. Dans ces conditions, tu comprends. Qui est plus jamais avoir d'enfant. Et le moral de cette histoire, si t'es une fille de la rue Prada, vaut mieux bien choisir ton cigare avec des poils sur les roses. Hey. Merci monsieur. Bon carnaval à tous et toutes. Merci. Jouer avec mon wish. 5 minutes et pas longtemps. Parlons, on y va. Bon wish, il sera content. La la la. Papa la papa papa. Merci monsieur. Ça rigole, on retopette en bande. Dis-toi bien que c'est Neige qui l'a pêché. C'est un carnaval, tu vois que tu jus qui en a pas. J'ai tous des beurts avec du corps. Ma femme, elle aime pas ça. Quand je rentre faire un câlin de travers, je trouve plus mon bouche pour faire pipi. J'ai une haleine de dromadaire et une petite voix d'un fond qui me dit: le poisson que tu manges à la bande, zarampé, sois-toi mes poissons secs. Ça rigole, ton tempête en bande. Dis-toi bien, c'est Neige qui l'a pêché. C'est une belle chanson. Là sera Raymond, va ballon de cri. Ah ouais. Il faut que je te raconte ta plus vite fait. De faire le tour du monde, que de faire le tour de la sœur à Raymond. Que de faire le tour de la sœur à Raymond. Bah c'est le campeau de pouf, elle est de toute beauté. Faut même pas être une tête à chapeau pour la porter. La sœur à Raymond, elle, elle a une tête de clou. Ça toque sur sa tête, elle ressemble à une grande clou. À carnaval, elle a tombé enceinte. On n'a jamais rien vu, c'est rapport à la peinte. Jusqu'au jour où elle a fait son petit crunch, personne n'a su qu'elle avait été énoneche. J'ai rencontré la sœur à Raymond, la valente de cri. Ah ouais. Il faut que je te raconte, t'as plus vite fait de faire le tour du monde que de faire le tour de la sœur à Raymond. Que de faire le tour de la sœur à Raymond. Il y a même des mauvaises langues qui ont dit que c'était pas vrai. Son mousse, elle a acheté au magasin de jouets. Bah si ça c'était vrai, toi tu vas me dire pourquoi. Pourquoi elle a pris une qui ressemble à des noix. À carnaval, elle a tombé enceinte. On n'a jamais rien vu, c'est rapport à la pâte. Jusqu'au jour où elle a fait son petit crunch, personne n'a su qu'elle avait été au noche. J'ai rencontré la sœur à Raymond. Bah pas non de qui, il faut que je te raconte. T'as plus vite fait de faire le tour du monde, que de faire le tour de la sœur à Raymond. Que de faire le tour de la sœur à Raymond.